Ma mère dit toujours que j'ai des haricots. Des haricots, des haricots. Ma mère dit toujours que j'ai des haricots. T'as les oreilles. Elle crie après moi, mais j'ai des haricots. Des haricots. Après moi, mais j'ai des haricots dans les oreilles. Je reste au grenier avec mes haricots. Mes haricots, mes haricots. Je reste au grenier avec mes haricots dans les oreilles. Et ça travaille les petits. Mais j'ai des haricots. Oreilles. Oh man, tu me donnes.